Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music. Salut à tous, 11e édition de l'émission Electrochoc. Laurent Garnier est de retour de Détroit dans le chapitre 8 du livre. Avec lui, partons maintenant survoler les grandes rêves européennes des années 90. Bienvenue dans le Vertigo. Je rentrais de Détroit décidé à me lancer seul dans l'écriture de mon premier album. Une tentation que je portais en moi depuis longtemps, mais qui, faute de confiance, était restée un vœu pieux. Jusqu'ici, je n'avais jamais considéré la composition musicale sérieusement. Ça avait été toujours un plaisir que je pratiquais en dilettante, avec des potes, Yann Bland, Le Moose Posse, Chaz et Ludovic Navarre. C'était simple, on rigolait, on allumait les machines et si le résultat final nous plaisait, on sortait le disque dans la foulée. Pour ces collaborations, j'avais eu droit à toutes sortes de remarques désobligeantes, dont la plus insistante affirmait « Garnier, il ne prend aucun risque. Il est toujours à la colle avec Navarre et c'est grâce à lui qu'il fait de la musique. » J'étais déterminé à réaliser quelque chose d'important, seul, qui annulerait ses ragots et qui reflèterait mes évolutions. Le vrai challenge, c'était de travailler un album en solitaire. Je m'étais depuis peu acheté le kit utilisé par les musiciens techno du moment. Synthétiseur, DX100, Juno 106, JD800, SH101, mais aussi boîte à rythme, sampler, comme le AKS1000 par exemple. À quoi s'ajoutait un ordinateur noir et blanc Atari 1040, un logiciel de composition musicale, Cubase, piraté, et la fameuse TB-303. Un matériel rudimentaire à un prix accessible. Les grands classiques de la house, Can You Party de Royal House, Altered State de Ron Trent, etc., avaient été réalisés avec des moyens techniques dérisoires. Une table de mixage 4 pistes, 3 bouts de ficelle et un clavier bon marché. Et le résultat était là. Au début de la production des disques techno, à la fin des années 80, les musiciens s'étaient appropriés toutes les machines analogiques disponibles sur le marché. Ces machines avaient pour la plupart été utilisées par les groupes de musique synthétique des années 70 ou 80. Tangerine Dream, Human League ou Depeche Mode. Puis les avancées de la technologie avaient fait évoluer le son. Et toute une gamme de synthétiseurs ou séquenceurs fut remisée au placard, jusqu'à ce que les musiciens house et techno ne s'en emparent. Se permettant tous les bricolages, ignorant les règles, découvrant de nouvelles sonorités, souvent par le biais d'accidents techniques. J'avais installé mes machines dans le foutoir de mon 30 mètres carrés et passé mes journées là, m'absorber dans ce monde de Hertz, Mégabit, MIDI, analogue, BTS, In and Out. Je travaillais à l'instinct, proche de la logique punk du do-it-yourself, pourvu que ce soit techno et rêche. J'étais naïf et pressé, j'apprenais au jour le jour, j'essayais d'amadouer les machines afin d'en tirer les sons que je désirais. Je tentais de comprendre seul comment configurer un studio, comment déclencher les informations des différents éléments sonores, rythmiques, mélodiques et réussir à tout synchroniser. Un vrai bordel. Je n'avais aucune méthode de travail, j'écoutais mes vénérés disques de Détroit ou de Chicago et hop, j'allumais mes machines. De tâtonnement en tâtonnement, je trouvais l'idée originale d'un morceau, le gimmick, la ligne de basse, les arrangements de cordes, les percussions, le climat que je voulais donner, etc. En 2 heures, j'avais construit 80% de la structure du morceau. Et à partir de là, je commençais à tourner en rond. Je rajoutais des couches et des couches d'éléments sonores, je me perdais complètement. Jusqu'à réaliser que la clé de l'écriture d'un titre, c'est d'épurer, de séparer des ornements pour se concentrer sur l'os, la substance de la musique. We'll be right back. Un autre apprentissage s'imposa de lui-même, faire en sorte que la musique raconte une histoire, et surtout apprendre à composer des titres qui puissent à la fois vivre par eux-mêmes et s'inclure dans la dynamique d'un album. En finir avec les tracks, les morceaux circonstanciels, clairement positionnés dance floor, toute une histoire. Ce manège dura des mois. Je m'essayais à la musique en solo, dans le secret. Quand je me trouvais incapable de traduire sur mes claviers l'idée qui trottait dans ma tête, je voyais grandir en moi le complexe du non-musicien. Il y eut toutes ces nuits où pendant des heures, je tournais en rond autour du même gimmick, sans parvenir à trouver d'issue. Et certains moments où l'inspiration venait sans forcer, comme cette nuit où je m'installais derrière mes machines, et où tout s'enchaîna naturellement. Depuis mon retour de Détroit, j'avais envie de composer un titre en hommage à ce que j'avais ressenti là-bas. Je trouvais un thème central, une mélodie mélancolique qui restituait autant que possible ce que cette ville avait bouleversé en moi et grattait autour. Alors qu'une aube grise se levait sur Paris, je mis la touche finale à « Track for Mike » et m'écroulais sur mon lit sans le réécouter. Quelques jours plus tard, effrayé à l'idée que le morceau ne soit pas à la hauteur de ce que j'espérais, je m'enfermais dans mon appartement, débranchais mon téléphone et passais « Track for Mike » sur cassette DAT. Le résultat me plaisait toujours. Je mis le DAT sous enveloppe, inscrivis l'adresse de UR, griffonnai un petit mot à Mike, expliquant que notre rencontre m'avait inspiré ce titre, qu'il ne s'agissait pas de le lui soumettre, en espérant être publié sur son label, mais simplement de recueillir ses conseils. J'expédiai le pli par la poste. Je n'eus aucune nouvelle pendant plusieurs semaines. Un matin, en rentrant d'une nuit en club, je trouvai une réponse sur papier déroulée au pied de mon fax. En lettres grasses, ces quelques mots. « I like it. It's cool. » Put it out. Peace, Mike. Bien sûr, ce genre d'état de grâce ne se produisait pas tous les quatre matins. Globalement, c'est dans la sueur que c'est écrit. Bien sûr, ce genre d'état de grâce ne se produisait pas tous les quatre matins. Globalement, c'est dans la sueur que s'est écrit ce premier album. Une fois mes premiers titres terminés, je les fis écouter à Eric Morand, qui m'encouragea à aller au terme de mon projet. Il n'existait encore que très peu d'albums techno, à l'exception notable des opus de Kenny Larkin, LFO ou Orbital. En 93, les artistes techno étaient tous connotés dance floor, or le format album était implicitement connoté rock. Le marché house et techno se concentraient sur des disques de format maxi vinyle, les 12 pouces. Il existait encore quelques variantes de ce format, double maxi, EP 8 titres, mais toutes étaient essentiellement destinées au club et au rave. Eric et moi étions convaincus que publier un album était la seule façon de séduire le marché international. Mais la mauvaise santé financière de Fnac Music repoussa la concrétisation d'un tel projet. Eric Morand était tributaire des décisions financières de Fnac Music. Lorsque les tensions apparurent, on décida de sauter le pas et de monter notre propre label. En 93, toutes tendances confondues, la France ne comptait plus qu'une demi-douzaine de labels indépendants, notamment Boucherie Productions, Mediaset et Pias, pour la plupart issus de la vague punk alternative de la fin des années 80. Ce que nous voulions, c'était adosser notre futur label à une structure qui prenne en charge le côté logistique, distribution, juridique, etc. et nous assure de ce fait une totale indépendance artistique. On entama des discussions avec IQ et Warp, label que Fnac Dance Division distribuait et dont les dirigeants étaient devenus des amis, mais sans trouver d'accord satisfaisant pour tous. Kenny Gates et Michel Lambeau, fondateurs du label belge indépendant Pias, Play It Again Sam, entendirent parler de notre projet. Après avoir longtemps travaillé autour de la musique industrielle, Meat Beat Manifesto, Cassandre Complexe, Young Gods, il s'était largement ouvert à la musique électronique. Pias distribuait les disques de Fnac Dance Division en Hollande depuis plusieurs années. Lorsqu'ils manifestèrent leur intérêt pour cette forme de partenariat, on se dit que c'était les bons interlocuteurs. Un deal se mit en place sans effort. Eric publia une rétrospective de Fnac Dance Division intitulée La Collection et quitta Fnac Music en février 1994. Mon album était fin prêt mais n'avait pas encore de titre quand j'ai invité Eric à m'accompagner à l'Eclipse de Coventry, un des clubs les plus sauvages d'Angleterre, où je jouais. On avait cette théorie que le revêtement des autoroutes anglaises recrache l'eau plutôt qu'il ne l'absorbe. Justement, cette nuit-là, il pleuvait des cordes. Un moment, sur l'autoroute qui nous menait à Coventry, on s'est fait serrer par deux poids lourds lancés à pleine vitesse qui déversaient sur nous des quintaux de flotte. On n'y voyait plus rien. Merde ! Il faut qu'on se tire de là, il faut qu'on les dépasse, sinon on y reste. J'ai appuyé comme un malade sur l'accélérateur en gueulant. Là, c'est « shot in the dark ». La voiture a fini par s'extraire in extremis des tenailles que formaient ces deux bahuts et a dérapé sur le goudron trempé. Je me suis rangé sur la bande d'arrêt d'urgence. Tandis que les deux monstres d'acier filaient dans la nuit, on s'est écroulé livide sur les sièges flambant neufs de ma bagnole. Silence. Eric a alors articulé. Ben t'as qu'à l'appeler « Shot in the dark » ton album. Heures de route, on est arrivé sain et sauf à Coventry. L'Eclipse était un warehouse de 3 étages où tout pouvait arriver. Sa particularité, les DJ étaient protégés du public par une cabine grillagée. Avant mon set, planqué au dernier étage, on observait le dance floor qui s'excitait à nos pieds. Le beuglement des cornes de brume couvrait la musique. Perdu au milieu de cette marée de corps, un type surexcité portant un t-shirt siglé d'un énorme E a attiré mon attention. Il était complètement parti, grimaçant comme s'il participait à une compétition interrégionale de gurning, concours de grimaces, visiblement heureux de son état lamentable, totalement représentatif de ce qu'était devenu le mouvement rave en Angleterre. Il prenait des extasies, en était visiblement fier et l'affichait sur son t-shirt. Tout le contraire de ce qu'on défendait. On était en effet nombreux à se battre pour dire que non, techno ne se résumait pas à extasie, et qu'il s'agissait d'une culture à part entière. Sans le savoir, ce type annulait tous nos efforts. Je l'ai fixé pendant plusieurs minutes en ruminant dans ma barbe. Puis j'ai dit à Eric, on devrait faire des t-shirts siglés F, parce qu'après le E, vient le F. Personne n'y comprendra rien, on aura peut-être l'air con, mais au moins, on sera en marge de toute cette merde. Et Eric m'a répondu, mieux, il faut faire un label qui s'appelle F, parce qu'après la drogue vient la musique, et qu'à l'arrivée pour nous, tout ce qui compte, c'est la musique. On se mette d'accord une bonne fois pour toutes. De la drogue et des excès, il y en a toujours eu dans la nuit. Sans le LSD, la génération Woodstock n'aurait jamais vu le jour. Et gageons que sans la déferlante ecstasy, la house music n'aurait jamais massivement explosé en Europe. Moi, j'avais fait mes expériences. J'avais flirté avec les interdits, mais la musique était toujours restée le moteur. Aujourd'hui, pour la majorité des clubbeurs anglais, il ne s'agissait plus que d'une course à la drogue. La musique étant devenue un prétexte. Cette dérive ne me correspondait pas. C'était même précisément ce que nous étions nombreux à combattre, affirmant que seule la musique devait tenir le premier plan. F Communication a vu le jour en avril 1994, avec le slogan « After E comes F » comme mot de ralliement. Ce label était une prolongation logique du travail entrepris avec Fnac Dance Division, à ceci près que désormais, le chéquier nous appartenait. F-Com arrivait dans un climat propice au développement du marché techno en Europe. Le travail le plus difficile, imposer cette musique en France, avait déjà été effectué. Les succès conjugués des artistes Fnac, Lunatic Asylum, Deepside, Shaz, et des labels licenciés par Eric, Jacks Up, Plus 8, Warp Records, représentaient 33% des ventes du marché du disc house et techno en France. Depuis les publications d'Acid Rifle sur Fragile et de Wake Up sur Warp, le regard des anglo-saxons sur notre travail allait changer. Et de manière générale, une série d'articles dans les magazines Digimag et Mixmag avaient accru le regard de l'industrie anglaise sur la scène techno-française. Lors du premier mois d'activité de FCOM, un constat s'est imposé. Le challenge personnel que nous nous étions fixé à travers FNAC avait été atteint. Notre désir de voir les artistes house et techno français toucher une reconnaissance à l'étranger avait été exaucé. Alors que restait-il ? Se faire plaisir sans faire de concessions. Et observer la scène techno française de manière à anticiper ces bouleversements. Le paysage techno avait évolué à Paris depuis 1992, et la demande du public autour des raves grandissait chaque week-end. De nouveaux organisateurs avaient fait leur apparition. Invaders, Phantom, Techno Tents. Leurs raves étaient des fêtes conviviales où les promoteurs n'hésitaient pas à prendre le micro en plein milieu de la nuit pour remercier les raveurs de s'être déplacés et à aller danser avec eux. La nuit durant, les différentes chapelles musicales de la scène rave, house, techno, hardcore, trance, etc. cohabitaient dans une joyeuse harmonie. Les relations entre les DJ et les promoteurs étaient simples. Radio FG faisait office d'intermédiaire et les cachets étaient encore peu élevés, 1000 ou 2000 francs par DJ. Entrepôt, loft, parking, champignonnière, carrière de craie, mais aussi l'usine éphémère d'Anières ou les squats des anciens frigos du quai de la gare servaient de cadre à ces raves première génération. Pour le public qui se pressait là chaque week-end, c'était l'avènement de fêtes d'un genre nouveau où tout paraissait différent, musique, concept, attitude pacifique et un sens rafraîchissant de la cohabitation. Au matin, les rêveurs se retrouvaient en after dans des lieux improbables, péniche, sous-sol d'un kebab face au palace, club décati de la capitale ou tout bonnement un appart. Pourvu que la fête continue, ces afters parisiens furent un incroyable vivier de DJ, sorte d'école techno ou de jeunes fondus de musique nommés Manuel Malin ou Torgoul, firent leurs premières armes. Ils débarquaient à 7h avec leur sac de disques et, observant la technique de ceux qui passaient, attendaient sagement leur tour pour jouer gratuitement une heure et se faire les dents face à un public de puristes. En quelques mois, la scène rave parisienne vécut une irrésistible expansion. Les nouvelles de ce qui se passait en Suisse, en Angleterre et en Allemagne arrivaient chaque semaine. De nouveaux disques, artistes ou labels pénétraient le marché français. L'évolution des raves en grand messe techno dans les pays voisins laissait présager que ce phénomène allait exploser en France. Certains imaginèrent alors une techno jouée en grand, sur d'énormes sound systems posés dans des hangars. Et la musique commença à se durcir, s'adaptant à ce nouveau genre de manifestation. La demande du public autour d'une techno plus brutale s'amplifia. Une première scission intervint alors. Une frange de DJ, refusant d'adapter leur son au cadre réfrigéré des warehouses, entrepôts, hangars, etc., choisit de retourner dans les clubs. Pendant ce temps-là, chaque week-end, on pouvait voir grossir davantage les rangs des ravers. Le Minitel 3615 FG, jusque-là consacré aux petites annonces gays, devint le rendez-vous de l'actualité et des bons plans rave. FG, toujours constitué en radio associative, flirtait régulièrement avec le dépôt de bilan. Ses DJ étaient d'ailleurs payés en convention de stage. L'organisation de soirées paraissait une activité lucrative. La radio saisit la balle au bon. En avril 1993, Radio FG s'associa à des promoteurs de rave et investit les murs de l'abbaye de Moncel, près de Compiègne. Au platine, Jeff Mills, Lisa Nelias, Pac-Man, Sonic ou Aquarium. Les rêveurs qui étaient présents se souviennent peut-être encore du climat particulier qui régnait cette nuit-là dans ces anciennes salles de culte, ou réfectoires jadis occupés par des moines et transformés en dance floor. Les styles musicaux les plus opposés se télescopaient dans une incroyable harmonie. La techno de Jeff Mills côtoyant la house progressive de Jérôme Pacman dans un mouvement naturel. Quand l'ampli des retours céda, les DJ continuèrent à jouer. Lorsqu'une heure plus tard se fit le retour du casque de la table de mixage qui grilla, ils continuèrent à mixer sans casque. L'électricité était telle que les DJ, encouragés par les danseurs, dépasser les problèmes. Certains danseurs éblouis vivaient leurs premiers rêves et découvraient les vertus généreuses de la fête techno. La rave de l'abbaye du Moncel fut une belle réussite et une vitrine idéale pour FG, qui signala son premier grand succès. Profitant de sa position de prescripteur, la radio techno décida de s'investir plus avant dans l'organisation de rave. À l'initiative de FG, un bus de rêveurs parti le 1er mai 1993 assistait à une édition du May Day en Allemagne. Le lendemain, il rentrait à Paris pour assister à la rave After May Day, coproduite par FG et plantée dans un warehouse au cœur de la zone industrielle de Villeneuve-Saint-Georges, sous le slogan « The future of the universe is in our hands ». 7000 personnes découvrirent les DJ Miss Jax de Eindhoven, Damon Wild de New York, Mick Dearborn de Chicago ou Oliver Bonzio de Francfort. Dans l'air, la quintessence de l'énergie rave, un son joué fort, l'obscurité déchirée par le rayon d'un laser et des milliers de rêveurs en communion dans la danse. Au matin, les premiers rayons du soleil, perçant les tôles d'aluminium du hangar, laissèrent apparaître un immense nuage poussiéreux qui surplombait la piste. Les visages étaient marqués par la fatigue, les rétines dilatées par la chimie. la peau maculée de poussière. Lorsque les ravers, à la recherche d'une navette pour retourner sur Paris, sortirent du hangar, Energy Flash de Joey Beltram retentit, emportant la clameur de milliers d'âmes jusqu'au-delà des nuages. Tout ce qui marche, danse et respire à la ronde sentit ses poils se hérisser. Patrick Rognon fut l'un des personnages clés de cet âge d'or. Dans son émission Rave Up, le samedi soir sur FG, il énumérait les plans de soirée toutes tendances musicales confondues, jouait les nouveautés techno et invitait les DJ à mixer à l'antenne, révélant Lisanne Elias aux auditeurs. Le mouvement des raves s'intensifiant, Rave Up devint le rendez-vous incontournable de l'actualité rave et Rognon élargit un petit peu plus son influence. Il avait le pouvoir de décider de la réussite ou de l'échec d'une soirée, de faire ou défaire la crédibilité d'un DJ. On trouvait les flyers annonçant les soirées dans les boutiques de disques de Bastille, TSF, USA Import ou BPM. Le jour J, à 22h, Patrick Rognon donnait le feu vert au cérémonial du samedi soir. Les rendez-vous étaient fixés aux portes de Paris, où on recueillait les plans d'accès au rave. Là, des convois gigantesques de voitures en partance vers les lieux de fête s'organisaient, charriant avec eux la promesse de plaisir, de danse et d'une certaine liberté. En 93, la scène rave avait trouvé ses marques à Paris. L'ambiance était encore bon enfant. C'est une époque où l'on voyait certains ravers s'improviser organisateurs, faire venir un DJ américain pour 4000 balles, lui payer un billet d'avion en classe éco, un petit hôtel et un taxi pour le mener à bon port. Néanmoins, à travers l'avènement d'une techno de plus en plus extrême, la scène parisienne s'apprêtait à vivre une nouvelle scission. Fin 93, le mot « hardcore » investit notre vocabulaire. Bientôt, d'ailleurs, le suffixe « core », qui signifie « cœur, noyau », fut utilisé à toutes les sauces en France. Hein, speedcore, transcore, acidcore, breakcore. En tout cas, une partie de la production techno jouée en rêve était désormais considérée comme hardcore à cause de la couleur sombre contenue dans ses titres. Comme par exemple « Mentism » de Joey Beltram, « Cold Rush 008 » de PCP, « X101 » de You Are, etc. Même si la nature de ces disques était techno, ils collaient à la dimension spectaculaire prônée par la scène hardcore naissante. Bientôt dans les raves, la musique jouée dériva vers une violence sonore jusqu'au boutiste, et un nouveau public apparut, pour la plupart issu du rock ou de la musique industrielle, et qui ne s'en était pas senti concerné par la house. À l'arrivée de la techno hardcore, la scène rave parisienne se divisa, les raves se radicalisèrent et l'harmonie entre les tribus disparut. La techno comprend bien, petite Kim, c'est tout un art, avec ses tendances, ses sous-tendances, ses écoles et ses disciples. Le hardcore est la tendance la plus radicale, voilà tout, comme fut le cubisme en son temps. Il y a de la techno-cubiste, s'étonne Kim. Elle n'a pas compris mon raccourci culturel. J'essaye de lui faire comprendre que le hardcore, c'est de l'art avec un grand A, au même titre que Picasso, période cubiste, c'était de la peinture avec un grand P. Picasso peignait des profils, et on voyait quand même les deux yeux du bonhomme, c'était du hardcore pictural. Dixit, mille ans d'argent, extrait de Soupe à la tête de Bouc paru chez Le Dilettante en 2002. À travers ses différentes incarnations, le hardcore, comme son équivalent anglais le breakbeat, devint l'une des tendances majeures des raves françaises. On découvrit différentes écoles hardcore européennes, dont les styles, s'ils prenaient pour racine la techno, balayaient un spectre large, de l'expérimentation pure et dure à un radicalisme poussé jusqu'à la violence sonore. Un maître incontesté, Marc Arkadipan, musicien et fondateur du label PCP à Francfort, qui influença l'ensemble de la scène techno-européenne. À Rotterdam naquit une musique industrielle, sauvage et rapide, à vous filer une tachycardie, le Gabber. À Brooklyn, Lenny D créa le premier label hardcore américain, Industrial Strength, et définit un hardcore télescopant la techno au breakbeat, au rock et au hip-hop. Mais si depuis 1993, toutes ces tendances étaient disponibles dans les boutiques de disques parisiennes, à l'exception de Laurent Haut, pionnier du genre, le hardcore n'avait pas de réelle incarnation dans l'Hexagone. C'est à ce moment-là qu'une artiste belge, Lisanne Elias, devint la grande prêtresse des raves françaises. Lisa eut le même impact sur la scène hardcore française que Derrick May sur la techno européenne des années 90. Tout chez elle était captivant. Créature androgyne, Lisa possédait une science très exacte de la musique, fruit de dizaines d'années d'études du répertoire classique. Un amour sincère pour les sons et les innovations. Sa musique était extrême et possédait une intensité jamais égalée, faisant apparaître dans le même mix férocité, finesse et une touche d'humour. C'est indiscutable, Lisa a marqué toute une génération de ravers. Sur les traces de Lisa, un authentique enfant de la rave s'imposa comme l'autre grand DJ du hardcore français, Manu le Malin. Il confesse une adolescence déglinguée et doit son salut à une claque monumentale lors d'une soirée Invaders en 91. Attiré par les sonorités sombres, il s'immergea dans la frange techno-dure des labels PCP ou Industrial Strength. À cette époque, le public réalisait que les DJ avaient chacun une personnalité, un style propre. DJ charismatique au corps couvert de tatouages, Manu le Malin promena sa gueule de guerrier et son talent dans toutes les grandes raves européennes. Bientôt, les raves d'obédience hardcore devinrent majoritaires, invitant les maîtres du gabber hollandais et donnant à Manu le Malin et Laurent Haut l'occasion de se hisser au rang de représentants majeurs du genre. Le hardcore avait acquis ses lettres de noblesse en France. Il avait ses acteurs, ses codes et un public fidèle. Mais bien sûr, victime de son succès, il allait lui aussi devenir la proie de promoteurs mal intentionnés. En quelques mois, l'envolée communautaire disparut au profit d'un état d'esprit plus intéressé par le business. Les raves devinrent plus nombreux chaque week-end. Dans ce contexte, les promoteurs de la première génération furent dépassés. Le samedi, dans un même périmètre, quatre fêtes concurrentes s'alignaient. À mesure que la scène se fragmentait, les attitudes et les looks se firent plus radicaux et la drogue prit une place toujours plus importante. En 94, les raves en France se résumaient pour la plupart à de grands rassemblements froids où s'entassaient des milliers de gamins qui ne voulaient plus que du hardcore ou de la trance. Pour la plupart, ces raves n'étaient rien d'autre que des grands dance machines techno, sans énergie, sans imagination, sans sincérité. Même si une frange d'organisateurs parisiens travaillait à perpétuer une certaine qualité dans leurs fêtes, Paris entrait dans l'ère des escroqueries. À cette période, de nouveaux organisateurs qui n'avaient rien à voir avec l'esprit communautaire des raves parisiennes s'intégrèrent petit à petit à la scène. Parmi ces nouveaux venus, certains n'étaient rien d'autre que de vulgaires gangsters. Ils avaient vu des hangars remplis de 7000 personnes. Ayant tous payé leurs 100 francs d'admission, avaient révisé leur table de multiplication et compris aussitôt qu'il y avait là un business potentiel. Qu'à cela ne tienne, ils réquisitionnèrent des hangars abandonnés, imprimèrent des flyers avec un nom à la con pour en tête, bookèrent deux DJ internationaux pour quelques billets chacun, et hop là! Et puis comme en Angleterre, drogue et argent facile attirèrent les gangsters dans les raves. Certains types chargés de la sécurité étaient de mèche avec eux. Ils laissaient pénétrer leurs propres dealers dans les soirées quand ils ne raquettaient pas les organisateurs ou laissaient la caisse s'envoler. En mars 94, lors de la parade, une rave qui ambitionnait, malgré de faibles moyens, de réunir l'essentiel de la scène rave française, elle affiche les DJ Jack de Marseille, Stefanovic, Aquarium, Manu le Malin, Guillaume la Tortue et Yoka, tous invités à ne jouer que des sets de 40 minutes, la caisse fut braquée par deux hommes cagoulés et armés. Coup de feu, panique générale. Plusieurs milliers de francs s'évaporèrent dans la nature. Pas trace de la police, évidemment. Mais malgré ces déconvenues, le phénomène rave s'intensifiait, drainant plus de 30 000 personnes chaque week-end. Les flyers des raves de cette époque étonnent par leur étrange similitude. Même graphisme, même plateau DJ plusieurs fois répété. Moyennant 100 balles payées à l'entrée, les raveurs n'avaient plus droit qu'au strict minimum. Une déco et un confort inexistants. Du son dont on se foutait bien de savoir s'il était de bonne qualité, un seul chiotte et par ici la monnaie. Les rêves n'étaient plus synonymes de liberté et de plaisir, mais d'industrie et d'argent facile. En France, la gendarmerie, qui à partir de 92 fut chargée des premières descentes dans les rêves, découvrit cela avec la naïveté du gendarme de Saint-Tropez. Tous les rêveurs ont dû vivre cette scène où, à l'aube, une dizaine de gendarmes en uniforme pénétraient timidement dans un warehouse et tombaient sur plusieurs milliers d'énergumènes hilars sautillant sur une musique non répertoriée dans leur manuel. Organisateurs et rêveurs engageaient la conversation avec les forces de l'ordre qui s'évertuaient à trouver des seringues, des corps effondrés sur le sol, bref, la panoplie de la défense rock'n'roll. Sans succès. Ces interventions à l'aveuglette de la maréchaussée donnèrent des situations cocasses que les anciens racontent encore aujourd'hui avec délectation. Lors d'une rêve en plein air organisée dans un parc privé de la région parisienne, la gendarmerie intervint à l'aube. Sommés d'arrêter sur le champ la musique, les organisateurs demandèrent au capitaine de gendarmerie de venir l'annoncer lui-même au milieu de rêveurs. Le capitaine ne se dégonfla pas, monta sur la scène et dans son micro annonça « Mesdames et messieurs, la soirée est terminée !» sous les huées des rêveurs. Les organisateurs prièrent le capitaine de laisser jouer un seul disque à la tête d'affiche de la soirée. Stika, DJ anglais proche du groupe Orbital. À l'issue de quoi, il promettait d'arrêter la fête. Le capitaine remonta sur scène et reprit le micro tandis que le soleil se levait. « Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes venus écouter un artiste qui vient de loin. Je vous laisse un dernier disque, mais après, fini, hein, d'accord ?» Là, dans les premiers rayons du soleil, ce fut pendant 7 minutes une course effrénée à la danse. Bon esprit. Face au phénomène rave, les autorités étaient confrontées à un vide juridique. Ces fêtes se déroulant la plupart du temps dans des zones industrielles, des champs, des carrières, bref, des lieux éloignés de toute habitation, il n'y avait personne pour porter plainte pour nuisance sonore. Difficile pour les forces de l'ordre de justifier une intervention dans ces conditions. Mais au fil des semaines, pressées par les préfectures, elles changèrent de ton et se mirent à traquer les preuves de l'illégalité des raves. À Lyon, ville bourgeoise dont la vie nocturne avait longtemps été réduite à quelques clubs, l'ambassade, puis à partir de 91 pour la house et la techno, le factory, l'hypnotique, le fish, la pyramide ou le zoo, le mot rave rima immédiatement avec police. En février 93, Cosmic Energy, la première grande rave officielle de la région Rhône-Alpes, fut organisée à la halle Tony Garnier, avec Cosmic Baby et Artfloor en live, et les DJ Kid Paul, Pascal FEOS, etc. Réunissant près de 8000 personnes. Puis la salle de concert Le Transbordeur accueillit des rendez-vous techno réguliers. Lors d'une fête initiée par la radio suisse Couleur 3, une descente de police eut lieu en plein milieu de la nuit dans les loges. Les policiers sur deux lancèrent au DJ « Fini de jouer ! Sortez tous les extasies et la cocaïne de vos poches !» Les RG furent rapidement de toutes les soirées, et le grand jeu des rêveurs lyonnais consistait à aller le saluer bien fort. « Bonsoir monsieur l'inspecteur, vous allez bien ? Tout se passe bien pour vous ?» Puis une multitude de rêves sauvages trouvèrent un cadre idéal dans les champs du Beaujolais. À chacune de ces soirées, les forces de l'ordre étaient présentes, faisant bientôt partie du paysage, au même titre que les DJ, la décoration psychédélique ou les sound systems. Dans le sud, où des rêves comme Atomics, organisés dans les entrepôts de la Seita à Marseille, ou Creative Action à Toulouse, et l'avenue des Spiral Tribe avaient déclenché le phénomène dès 93, le climat se tendit aussi, bien sûr. Et après la grande rave Transeruption à Grenoble en 93, qui vit la police effectuer une descente musclée, la répression s'étendit comme une traînée de poudre dans la région Rhône-Alpes jusqu'au sud de la France. Bientôt, les descentes de flics se transformèrent en cassage de soirée. Le motif, atteinte à l'ordre public. Organisateurs et policiers engagèrent le jeu du chat et de la souris, les premiers imaginant des stratagèmes pour aiguiller les autorités vers de fausses pistes. C'était l'époque du 3615 rêve et des premiers téléphones portables. Comme en Angleterre, les organisateurs et les autorités les utilisèrent, les uns pour déjouer les barrages policiers, les autres comme source d'information. Le mot passait et la soirée bougeait. Lorsque l'endroit de repli était lui aussi découvert par la police, les soirées se déplaçaient dans des champs, des clairières ou même des parkings. Un sound system de fortune alimenté par un groupe électrogène, des centaines de voitures qui délimitaient le dance floor et des ravers qui dansaient sur les capots. J'ai beaucoup tourné dans les rêves du sud de la France et en Rhône-Alpes, où j'ai eu l'occasion de voir la dérive de la scène et des autorités. J'avais ma résidence au Rex avec Wake Up, ce qui me rendait présent dans la nuit techno à Paris. Le week-end, je jouais dans les rêves du sud, d'Allemagne, de Suisse ou d'Angleterre. En Angleterre, malgré les pressions policières autour de la scène rave, le festival Tribal Gathering perpétuait l'idée des grands rassemblements techno colorés. J'avais invité Eric Napora à m'accompagner au Tribal Gathering. Il vit dans le cadre d'une ville éphémère 25 000 personnes rassemblées dans la plus parfaite harmonie, vadrouillées au hasard des 6 chapiteaux dispersés dans le site. Un programme vertigineux proposant pas moins de 40 artistes, une fête foraine ouverte à tous, bref, une vision positive du rassemblement techno, du cœur et de l'ambition. Eric Napora vit la lumière cette nuit-là et rentra à Paris décidé à organiser la première grande réunion techno-française. Ose. Un Tribal Gathering à la française. À l'exception de la première édition de Rêve aux Trans, dans le cadre du Festival des Trans Musicales de Rennes qui accueillit Underground Resistance Live, la France n'avait pas vécu de grandes messes techno indépendantes. On s'associa pour monter cet événement ensemble. Début 93, Eric Napora et son équipe tombèrent sur le parc des expositions à Amiens. Un lieu gigantesque comprenant trois salles d'une capacité respective de 3000, 6000 et 10 000 personnes. Un grand dôme et plusieurs auditoriums pouvaient tenir lieu de salles de projection. Un parc susceptible d'accueillir une fête foraine, un parking de plusieurs milliers de places, l'ensemble situé aux abords de l'hippodrome d'Amiens, soit loin de toute habitation. Amiens était accessible par train depuis Paris, la Belgique, l'Angleterre et la Hollande. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour organiser une grande messe techno. Des événements, foires, meetings, salons ou concerts étaient organisés toute l'année au parc des expositions d'Amiens. Le lieu répondait donc nécessairement aux normes de sécurité en vigueur. Des discussions cordiales s'engagèrent avec la mairie, puis la préfecture d'Amiens, chacun se félicitant d'un tel événement. En à peine 6 mois, tout se mit en place. Ose fut budgété à 1,2 million de francs, somme considérable à l'époque pour une rave techno française. 30 DJ et 10 artistes live furent conviés à l'événement, parmi lesquels Carl Cox, Rock, Dev Angel, Colin Favor, Das Sound, Lisanne Elias, les Spiral Tribe en live, l'essentiel de la scène techno française et Sven Vaft en after. 200 000 flyers furent imprimés. Malgré la volonté de transparence de Oz, les médias s'obstinaient à taire l'événement et les mauvaises langues faisaient leur travail de sape dans le milieu techno prétendument underground parisien. Mais le public, lui, ne savait rien des coups bas et se réjouissait. Oz vendait ses billets dans toute l'Europe grâce à un réseau de prévente s'étendant de l'Angleterre à l'Allemagne. Le téléphone ne cessait de sonner. Bref, tout semblait bien parti. Thank you. Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc. Retrouvez l'émission sur le forum. Le Chat Noir forum production vous a présenté http://. Le Chat Noir forum actif.com et ça s'écrit forum actif.com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1 vous a présenté Electrochoc.